إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 6 dans la lecture du livre Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-Muttasil al-Majhul écrit par le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Et aujourd'hui, inshallah, on va continuer donc la lecture et en ce qui concerne la réfutation du Cheikh, la réfutation de Abdullah Azzam lorsqu'il a parlé du fait que on peut pas donner la bay'a à une personne qui est fasiq. Et il a dit que il y avait un ittifaq à ce sujet-là, c'est-à-dire un accord entre les fuqaha al-barizin, il a dit les savants qui sont de l'avant, il y a un accord entre eux à ce sujet-là. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi, il est en train de rahimahullah, il est en train de mentionner les preuves du Coran et de la Sunna pour réfuter cette fausse parole qu'il a mentionné dans que Abdullah Azzam a mentionné dans son livre. Donc parmi les preuves qu'on a mentionnées la semaine passée, on en a lu quelques exemples et on continue donc à faire une citation des hadiths qui prouvent ça. Et en même temps, c'est une réfutation du manhaj des Khawarij qui sont en train d'appeler à justement à se rebeller contre les dirigeants musulmans qui font des péchés ou qui sont injustes ou qui sont des tyrans ou des despotes ou des dictateurs, peu importe le nom que ces gens-là leur donnent, tant qu'ils sont musulmans, il est bien entendu interdit à un musulman de se révolter contre ce dirigeant-là. Et ça c'est la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Toutefois, ceux qui contredisent la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah à ce sujet-là, ce sont les Khawarij et les Mu'tazila qui appellent justement à se rebeller contre les dirigeants et à se révolter contre eux et à prendre les armes contre eux, ou même juste simplement d'appeler les musulmans à se révolter contre eux sans même prendre les armes. C'est-à-dire, il y a des groupes parmi les Khawarij, eux, ils ne prennent pas les armes, sauf que ils appellent les autres ou ils incitent les gens à le faire, soit en parlant des péchés des dirigeants publiquement, ou soit en faisant soi-disant à l'inkar, en dénonçant certains péchés ouvertement des dirigeants, en mentionnant leur nom. Donc ça c'est des exemples, et il y a beaucoup d'autres exemples aussi de ça. Et puis un autre point avant de commencer à la lecture du livre, c'est qu'il y a aussi des koufars, vous savez probablement en Occident, dans certains pays, ils divisent les gens par rapport à leur position face à la politique, ils les divisent en gauche et en droite. Et il y a toujours cette idée de, soi-disant, la droite qui est, soi-disant, le respect de l'autorité et puis du dirigeant et tout, et la gauche qui est, soi-disant, l'appel à l'égalité, à la justice, les droits, ainsi de suite. Et il y en a parmi certains musulmans, parmi des groupes de Hizbiyin, qui justement s'inspirent de ces tendances-là chez les koufars pour essayer d'interpréter qu'est-ce qui se passe dans l'islam. Et bien entendu, ça c'est une fausse interprétation, puis c'est basé sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, puisque on regarde dans les textes qu'on est en train de mentionner maintenant et qu'on est en train d'expliquer, et on voit tout de suite que c'est l'ordre d'obéir au dirigeant qui prend le dessus sur toute autre chose. Et parce qu'il y en a parmi les Kuffars et les orientalistes et autres qui ont essayé d'interpréter que les Khawarij c'est la gauche et Ahl Sunnati wal Jama'a c'est la droite et des trucs de ce genre. Donc bien entendu tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et puis ces interprétations ou ces tendances là, on n'a pas essayé d'interpréter les principes de l'islam par rapport aux philosophies des Kuffar et à leur idéologie politique. D'accord? Donc beaucoup de gens sont tombés dans cette bid'a et dans cet égarement-là, à cause de ça, ils sont tombés même dans l'insulte de certains des Sahaba et dans l'attaque de certains des Sahaba, comme par exemple Sayyid Qutb et d'autres parmi les gens de ces tendances-là, qui se sont mis à accuser certains Sahaba et à parler contre certains Sahaba en disant que certains d'entre eux étaient de gauche ou que certains d'entre eux étaient de droite ou des trucs de ce genre. Et bien entendu, ça c'est quelque chose de très dangereux et c'est quelque chose qui fait sortir quelqu'un de Ahl Sunnati wal Jama'a de critiquer certains parmi les Sahaba. Ça fait sortir quelqu'un du manhaj de la Sunna et ça le fait tomber dans le rang des Mubtadi'a, hein? Et donc ça c'est très dangereux. Donc on va commencer inshallah la lecture. Le Cheikh dit rawa l'imam Ahmad fil Musnad min tariq al Harith al Ash'ari anna Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam qal inna Allah azza wa jal amara Yahya ibn Zakariya alayhi as-salam bi khams kalimat an ya'mala bihin wa an ya'mura bani Israil أن يعملوا بهن وكاد أن يبطئ فقال له عيسى إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال يا أخي إني أخشى أن إن سبقتني أن أعذب ويخسف بي أو يخسف بي قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أو لهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذكر الحديث إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. Donc, ça c'est le premier hadith que le cheikh mentionne aujourd'hui dans la partie où on est arrivé. Il y en a eu d'autres au cours passé, mais là c'est la suite. Le cheikh il dit que l'imam Ahmad a rapporté dans la Musnad, selon Al-Harith Al-Ash'ari, que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à Yahya, hein, Ibn Zakariya, Yahya le fils de Zacharie, c'est-à-dire que les chrétiens appellent Jean le Baptiste, hein, Allah lui avait ordonné à Yahya Ibn Zakariya, le fils de Zacharie, de dire à Bani Israël, de donner cinq ordres à Bani Israël, cinq paroles à Bani Israël, et de les appliquer. Et donc, il a été un peu lent dans l'ordre ou dans l'appel à cet ordre. C'est-à-dire il ne l'a pas exécuté tout de suite. Alors Isa alayhi salam, il a dit à Yahya, si tu n'ordonnes pas Bani Israël ces cinq choses que Allah t'a ordonné de leur commander de respecter et d'appliquer, alors moi je vais leur transmettre. Si toi tu leur transmets pas ces paroles-là, moi je vais leur transmettre. Alors Yahya alayhi salam, il a dit à Isa alayhi salam, si tu me précèdes et que tu prends le devant pour leur informer, pour informer Bani Israël de ces cinq paroles, je crains d'être puni par Allah subhanahu wa ta'ala ou d'être avalé par la terre. Alors Yahya ibn Zakaria, il a rassemblé tous les fils d'Israël dans Bayt al-Maqdis jusqu'à ce que la mosquée soit remplie complètement, et il s'est mis sur un endroit surélevé, et il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit, Allah vous a ordonné de respecter cinq choses et d'appliquer ces cinq choses, et moi je vous ordonne également de les appliquer. Et il a mentionné la première chose, c'est-à-dire d'adorer Allah lui seul et de ne rien lui associer. D'accord. Et à la suite du hadith, hein, il a mentionné les cinq choses au complet. Puis, par la suite, dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons par la suite, et moi je vous ordonne également de suivre ou de respecter cinq choses que Allah m'a ordonnées. Il a mentionné, premièrement, al-jama'a, c'est-à-dire de rester avec la jama'a, rester avec le groupe des musulmans. Ça c'est un. Deux, as-sam', c'est-à-dire d'écouter. Trois, at-ta'a, c'est-à-dire l'obéissance. Quatre, al-hijra, c'est-à-dire de faire la hijra, de quitter les pays des mushrikines pour aller dans le pays des musulmans. Et cinq, al-jihad fi sabilillah, c'est-à-dire de faire le jihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les cinq choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné les sahaba de respecter et de suivre, et qu'il a ordonné bien entendu à toute la umma. Et ensuite le cheikh il mentionne donc à la suite de ce hadith, tout de suite après avoir mentionné ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué encore plus en disant, quiconque, celui qui sort contre la jama'a d'une seule main, c'est-à-dire il s'écarte de la jama'a ou il sort de la jama'a d'une seule main, de la distance d'une main, qaïd al-shibrin, alors c'est comme s'il avait enlevé le collier de l'islam dans son cou. Et c'est quoi le collier de l'islam dans son cou? Le cheikh il explique plus loin, hein. Et on va le laisser pour plus tard lorsqu'on va lire l'explication du cheikh. Toutefois, le cheikh dit donc, celui qui s'écarte de la jama'a ou du groupe des musulmans et de leurs dirigeants de la distance d'une main, c'est comme s'il a enlevé le col de l'islam dans son cou, le collier de l'islam dans son cou, jusqu'à ce qu'il revienne. Et ensuite il dit, et quiconque appelle à un appel de la jahiliya, il invite les gens à quelque chose qui a rapport avec la jahiliya, comme par exemple les idées d'appeler à une tribu ou d'appeler à une ethnie ou d'appeler à une identité ethnique ou à une culture ou à une langue ou à n'importe quelle autre chose sur lesquelles les gens se réunissent entre eux et ils trouvent une fierté dans cette chose-là, par exemple, mais qui est autre que l'islam. Donc toute personne qui se réunit sur cette chose-là en dehors de l'islam et qu'il aime et qu'il déteste par rapport à cette chose-là, et qu'il s'allie et qu'il s'oppose et qu'il fait al-wala wal-bara, en d'autres mots, qu'il s'allie ou bien qu'il se désavoue des gens par rapport à cette chose-là, et que cette chose-là c'est autre chose que l'islam, c'est soit la langue ou la race ou la culture ou la couleur ou le sexe ou le pays ou la nationalité ou n'importe quelle autre chose, la tribu. Donc si quelqu'un prend ces choses-là pour appliquer al-wala wal-bara, pour s'allier, pour se désavouer des gens, alors il sera parmi le combustible de l'enfer. Hein, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que il sera parmi le combustible, ou est-ce qu'il fera partie du combustible de l'enfer, même s'il prie, même s'il jeûne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, même s'il jeûne, même s'il prie et qu'il pense ou qu'il prétend être musulman. Hein? Fad'u al-muslimin bi asma'ihim. Donc, appelez les musulmans par leur nom. Le nom par lesquels Allah les a nommés comme musulmans, croyants, serviteurs d'Allah. Hein? Ça, c'est les noms par lesquels on appelle les musulmans et non pas par d'autres noms. Hein? Contrairement à des groupes aujourd'hui parmi les gens qui appellent au nationalisme ou à des idées nationalistes et qui distinguent entre les gens par rapport à leur origine et à leur ethnie au lieu de se baser sur l'islam. Donc quand ils parlent des musulmans, ils disent pas les musulmans, les croyants, les serviteurs d'Allah, mais ils disent plutôt les Maghrébins, les Français, les Anglais, les ci, les ça, les Américains. Ils parlent des gens par rapport à leur nationalité et leur ethnie, et ils mettent l'islam en dernier. Hein? Ils mettent l'islam en dernier. Et ils divisent les musulmans par rapport à leur culture. Donc ça, c'est des exemples. Après, le cheikh, il mentionne un autre hadith. Il dit, « Akhraja Ahmad fil Musnad, an Abi Dharrin radiyallahu anhu qal, عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة شبرا خلع رقبة الإسلام من عنقه أو خلع رقبة الإسلام من عنقه. C'est rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad selon Abi Dharr رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, quiconque se sépare de la jama'a d'une main, hein, de la longueur d'une main. Ça, c'est juste pour donner un exemple, en voulant dire, même si c'est une petite distance ou c'est dans des choses vraiment petites, c'est pas grave. S'il se sépare de la jama'a, eh ben, c'est comme s'il a enlevé le collier de l'islam de son cou. Et juste pour vous expliquer tout de suite par rapport à la question de Riqbat al-Islam, comme le cheikh l'explique dans quelques hadiths, si il enlève le collier de l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Riqbat al-Islam, Riqba, c'est quoi? C'est comme un collier comme on utilisait à l'époque quand ils voulaient attacher par exemple les moutons. Ils prenaient un morceau de bois et après ce bois-là, ils accrochaient plein de cordes et au bout de chaque corde, ils mettaient un collier et ils attachaient les moutons avec. Ils attachaient les moutons par leur cou avec ces colliers-là. Et donc, c'est comme si pour dire que le dirigeant des musulmans, Il réunit tous les croyants parmi les musulmans autour de lui et autour de son autorité. Et donc, celui qui se sépare de la jama'a, c'est comme si il se détachait de son collier, yani, qui le rattache à la jama'a. D'accord? Et donc, c'est ça ce que ça signifie. Parce que, bien entendu, avant l'islam, les Arabes étaient tous divisés, il n'y avait rien qui les réunissait et qui les unissait, hein, ni la religion, ni la politique, quoi que ce soit, donc ils étaient tous divisés en tribus et ils se combattaient tous les uns les autres. Donc l'islam est venu pour détruire ça et pour ramener l'unité et l'union, hein, basée sur la foi et de se réunir autour d'un dirigeant. Donc, c'est pour dire que celui qui se sépare de la jama'a, c'est comme s'il enlevait ce collier-là de son cou. Ça ne veut pas dire qu'il devient mécréant, comme certains peuvent s'imaginer ou comprendre, non. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam. Ça veut juste dire qu'il sort, en enlevant le collier de l'islam, il sort de la chose qui le garde, qui le protège et qui le garde parmi la jama'a des musulmans. C'est ça ce que ça signifie, comme le cheikh il va l'expliquer. plus loin. Et dans un autre hadith, ça dit qu'il va mourir comme à l'état de la jahiliya. Mata maitatan jahiliya. C'est-à-dire, c'est comme si il meurt comme les gens mouraient à l'époque de la jahiliya, quand ils n'avaient pas de dirigeants qui les unissaient. Et donc, c'est ça la comparaison. Mais ça ne veut pas dire qu'il meurt comme un mécréant et qu'il est comme à l'époque de la jahiliya dans le sens qu'il n'est pas musulman. Ça, c'est certaines personnes qui ont compris ça de cette façon. Et bien entendu, c'est pas la compréhension des ulama. La façon dont ils ont compris, c'est une compréhension qui est contraire à la compréhension des salafs et des ulama. Donc, bien entendu, il n'y a rien qui fait sortir de l'islam excepté le shirk majeur et le kufr majeur. Hein, comme on l'a expliqué dans d'autres cours. Donc, le shaykh dit وَبِ الْمُسْنَدْ وَبِ السَّنَدَ الَّذِي فِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلِ عَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء قال قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق بك قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني ورجال السند الأول والثاني ثقات إلا خالد بن برهان ابن خالة ابن خالة أبي ذر والراوي عنه فيه مختلف فيه وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي وابن حجر مجهول والمتن في كلا الحديثين معروف بشواهده الصحيحة. Donc, le cheikh ici, il mentionne, il dit que la chaîne du premier hadith qu'on a mentionné, selon Abi Dhar, radiallahu anhu, il y a également le hadith qui dit, une autre narration qui dit, que vas-tu faire lorsqu'il y aura des imams ou des dirigeants après moi qui vont se donner des privilèges par rapport au butin. Hein? Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'annoncer à Abi Dhar et à la Ummah en même temps qu'il va y avoir une époque qui va venir plus tard où les dirigeants vont se donner des privilèges par rapport au butin, par rapport au bien, par rapport à l'argent, par rapport à la dunya. Donc c'est bien entendu un signe d'injustice de la part de certains dirigeants qui vont venir. Et donc ça c'est pour nous avertir. Et c'est pour ça que on dit aujourd'hui par exemple à ceux qui disent ah mais dans les pays musulmans il y a de l'injustice, il y a des dirigeants qui sont injustes ou qui font de la dictature ou qui font ci ou ça, comme si c'était quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on s'attendait pas, yani. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis 1400 ans, il nous avait déjà prévenu de ça. Et il nous avait dit que ça allait arriver. Hein? Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui on retrouve des gens, des hezbiyyin, qui, et des takfiriyin, et des qutbiyin, et des gens de ces tendances-là, parmi les khawarij de notre époque, qui viennent et qui disent, par exemple, ah, mais il y a de l'injustice, et donc, ça c'est pas correct et il faut pas accepter ça et puis il faut destituer ces dirigeants là et ainsi de suite, alors que on voit clairement les paroles du prophète Sam qui nous interdit de faire des choses pareilles. Et une des choses qui est aussi triste, c'est que cette mentalité ou ce manhaj des khawarij a été répandu à travers la Umma à une époque où les musulmans sont très ignorants de leur religion et à une époque où les idéologies des Européens, des Occidentaux ont aussi eu une grande influence dans la mentalité des gens. Et on voit que beaucoup de jeunes, beaucoup de gens dans les pays musulmans sont revenus à une pratique de l'islam. Certains d'entre les musulmans sont revenus à une pratique de l'islam après qu'ils aient été, par exemple, influencés par des idées occidentales. Donc, ils sont revenus à l'islam par la suite, mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ou rencontré comme personne pour se guider dans leur orientation islamique? C'était des personnes qui faisaient partie de tendances activistes et des, bien entendu, des gens de Hezbiya, comme des gens de tendance de Ikhwan et autres. Et parmi ces gens-là, j'ai remarqué souvent que beaucoup de gens ont été influencés par celui qu'ils appellent Cheikh Kishk. Hein? Et c'est bien entendu un cheikh de tendance des Ikhwan qui vivait en Égypte et qui était bien entendu aveugle et qui est très très célèbre dans le monde musulman. Donc, une des choses qui l'a rendu populaire, c'est qu'il faisait des cassettes sur les dirigeants des pays musulmans. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il dédiait à chaque dirigeant des pays musulmans, arabe ou non arabe, une cassette dans laquelle il parlait des péchés des dirigeants et dans laquelle il commençait à dénoncer certaines actions ou certaines attitudes de la part de certains dirigeants. Et il n'y a pas de doute que de faire cette chose-là, c'est bien entendu quelque chose de haram, quelque chose qui fait partie de l'égarement, et quelque chose qui fait partie de la voie et de l'attitude des khawarij. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont été éduqués sur les cassettes de Shirkishk et sur les gens qui ont cette compréhension et cette tendance-là de l'islam, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils sont... Ils ont grandi par la suite avec ces idées-là qu'il faut parler contre les dirigeants, que ceux qui sont les vrais savants ou les vrais ulama soi-disant, qui sont courageux, qui n'ont pas peur, ce sont ceux qui vont dénoncer les gens qui sont au pouvoir, qui vont parler contre ceux qui sont au pouvoir. Et donc, ils s'imaginent par la suite que c'est ça le vrai islam, que c'est ça l'islam. Et ils vont peut-être même mentionner des hadiths comme le hadith qui dit le meilleur djihad c'est de dire une parole de vérité devant un dirigeant injuste, d'accord? Et donc il pense que ça, la façon d'appliquer ce hadith là c'est de se tenir dans une mosquée sur le minbar ou bien dans une assemblée puis de commencer à énumérer les fautes et les péchés des dirigeants et des gens au pouvoir. Et il n'y a pas de doute que ce hadith-là, ça n'a aucun rapport avec ça. Hein? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit clairement dans ce hadith que c'est « kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir ». C'est-à-dire « inda », ça veut dire « auprès de lui ». Tu t'en vas le voir en personne, hein, entre toi et lui, et tu lui dis une parole de vérité, hein, au péril de ta vie. Si c'est un homme injuste, et si c'est un homme pieux et c'est un homme juste qui est au pouvoir, eh bien, bien entendu, alhamdoulilah, il va accepter cette parole de vérité et il va se corriger. Mais si c'est un injuste, et si c'est un homme injuste, bien sûr, dans ce cas-là, c'est au risque de te faire punir ou de te faire châtier ou même de te faire tuer parfois. Toutefois, c'est pas de le faire en public devant les gens, dans la mosquée, devant une assemblée ou sur le minbar le jour de vendredi ou autre. Hein? C'est parce que ça, c'est contraire, bien sûr, à tous les hadiths et à tous les versets, à tous les hadiths et à tous les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là et à l'exemple des salaf salih, hein, bien entendu. Et on a compris, bien entendu, comme les ulama l'ont expliqué, que celui qui veut appliquer ce hadith doit être en présence du dirigeant pour le faire, ou bien pour lui donner la nasiha. Pourquoi? Parce que, bien sûr, si quelqu'un commence à dénoncer publiquement les fautes d'un dirigeant, hein, et à les diffuser, hein, et ça implique également les médias, hein, les gens qui sont des journalistes et des médias, de pas diffuser. S'ils sont musulmans, ils doivent pas diffuser et montrer les fautes et les péchés des dirigeants. Hein. Mais bon, si quelqu'un, par exemple, est dans cette situation-là et qu'il il doit pas diffuser les fautes et les péchés des dirigeants, il doit au contraire les cacher et les camoufler, parce que lorsque les gens montrent et diffusent les fautes et les péchés des dirigeants, ça fait en sorte que la population par la suite commence à détester ce dirigeant-là. Et ça fait monter en eux la haine contre le dirigeant. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est que ils utilisent cette haine, parfois certains utilisent cette haine dans la population pour appeler la population à la révolte par la suite. Et ça, ça amène à quoi? Ça amène à des massacres, ça amène à des effusions de sang, ça amène à la perte des vies d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées et de gens innocents. Et ça amène également la propagation de l'insécurité dans la société, l'instabilité politique et la propagation par la suite de la perversité, des péchés, de la corruption, du désordre social, de la dégradation des mœurs, de l'immoralité. Et ça amène également la prise par la suite, souvent c'est des gens de bid'ah qui en profitent et qui réussissent par la suite à propager des innovations dans la société par la suite, comme ça arrive maintenant dans les pays musulmans où ces choses-là se sont produites. Hein? Parce que, comme vous voyez maintenant qu'est-ce qui se passe, c'est toujours maintenant les soufis à qui prennent le dessus, puis qui viennent, puis qui disent « Non, nous on est regardés, nous on est des modérés, on appelle à la paix, on est contre personne, on aime tout le monde, et bien entendu on sait tous qu'est-ce qui se cache derrière cette da'wa soufia, bien entendu, toutes sortes de formes de shirk et de bid'ah dans la société. Donc, tout ça vient du mal des khawarij et de leur méthodologie déviée hein, et d'ignorance. Donc, le sheikh, comme j'expliquais à propos de ce hadith, c'est qu'il y aura des dirigeants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y en aura qui vont venir après moi et qui vont se donner des privilèges en ce qui concerne le butin et al-fay, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pris dans les territoires des koufars qui sont en guerre contre les musulmans, hein, et qui sont, il y aura des gens qui vont en profiter de façon injuste et qui vont se donner des privilèges là-dedans. Donc, Abu Dhar, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Il jure par celui qui, par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité. Il dit, je vais pas laisser mon épée, hein, je vais la mettre sur mon épaule et je vais continuer à frapper jusqu'à ce que je te rencontre ou jusqu'à ce que je sois réuni avec toi. Hein? Donc, ça c'était l'opinion de Abu Dhar lorsqu'il a entendu cette parole, qu'il y allait avoir des dirigeants ou des gens qui vont faire de l'injustice après lui. Lui, tout de suite, il a dit, dans ce cas-là, je vais prendre mon épée et je vais frapper, je vais continuer à frapper jusqu'à ce que je te rencontre, c'est-à-dire jusqu'à ce que je meure et que je sois réuni avec toi, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, veux-tu que je te montre quelque chose de mieux que ça? Voudrais-tu que je t'indique quelque chose de mieux, meilleur encore? Sois patient et endurant jusqu'à ce que tu me rencontres. C'est-à-dire, prends pas ton arme, prends pas ton épée pour essayer de commencer à frapper, puis commencer à tuer, faire couler le sang. Non. Reste calme et sois patient et endure l'injustice jusqu'à ce que tu me rencontres. C'est-à-dire que tu sois réuni avec moi au jugement dernier. Hein? Donc, ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a incité ou qu'est-ce qu'il a expliqué à ses compagnons comme Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu. Et le cheikh Ahmed al-Najmi dit que les hommes de cette chaîne de narrateurs de ce hadith, du premier et le deuxième, sont des gens fiables, sont des gens thiqat. Excepté Khalid ibn Wahban, le petit garçon de la tante de Abu Dhar, le fils de la tante de Abu Dhar, la tante maternelle de Abu Dhar, qui est le narrateur de ce hadith et celui qui a rapporté par lui, sont deux qui sont majhoul. Il y a eu des différences d'opinion entre les ulama de hadith à leur sujet et Ibn Hibban, il a mentionné dans son livre Al-Thiqat et il a dit que Al-Dhahabi et Ibn Hajar ont dit qu'il est majhoul, c'est-à-dire il est inconnu. Ah non, c'est Ibn Hibban, il l'a mentionné parmi les gens fiables, tandis que Al-Dahabi et Ibn Hajar ont dit qu'il est, qu'il est majhoul. Et Al-Matn fi kila al-hadithain ma'ruf, yani le texte dans les deux hadiths est bien connu, c'est-à-dire c'est pas un hadith qui est étrange, puisque ces paroles-là sont connues dans d'autres hadiths qui sont des témoins pour ce hadith-là, et ce sont des hadiths authentiques qui témoignent donc de l'authenticité de ce hadith-là. Donc même s'il y a quelqu'un qui est majhoul ou qui serait majhoul dans ce hadith, ça reste quand même un hadith qui est authentique à cause de sa signification qui est en accord avec les autres hadiths authentiques à ce sujet-là. Après le Cheikh dit wa fi sahih al-Bukhari an Qatada an Anas ibn Malik عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني استعملت فلانا ولم تستعملني قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني أخرجه في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي امورا تنكرونها رواه رقم الحديث يعني دونك il mentionne le hadith et ça c'est aussi dans Sahih al-Bukhari. Bon, c'est un hadith qui est rapporté dans al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, selon Qatada, selon Anas ibn Malik, selon Asyad ibn Hudayr radiyallahu anhuma. يعني il dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, tu as utilisé ou tu as pris les services d'un tel, mais tu n'as pas pris mes services à moi. Hein, c'est-à-dire probablement c'était quelque chose qui avait rapport avec une des tâches ou des travaux. Par exemple, je dis comme un exemple parce que j'ai pas recherché par rapport au contexte. Toutefois, ça peut être, soi-disant, par rapport à la récolte de la zakat ou à d'autres choses de ce genre, hein, que certaines personnes avaient été choisies par le professeur Anselme pour faire ce travail-là, tandis que lui, il se plaignait au professeur Anselme en disant: et toi, tu ne m'as pas demandé ou tu ne m'as pas choisi. Et le professeur Anselme lui a répondu en disant: vous allez voir après moi beaucoup de choses comme de ce genre, des gens qui vont privilégier d'autres par-dessus d'autres. Alors, sois patient jusqu'à ce que tu me rencontres. Et comme c'est mentionné dans d'autres hadiths, jusqu'à ce que tu me rencontres auprès du bassin ou auprès de la fontaine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura au jugement dernier. Donc ça, c'est rapporté dans le chapitre des fitan, des tribulations et des épreuves, dans Sahih al-Bukhari. Par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, satarawna ba'di umuran tunkirunaha, c'est-à-dire vous allez voir après moi des choses que vous allez dénoncer, que vous allez détester, que vous allez pas aimer, que vous allez dénoncer. Donc c'est-à-dire qu'il nous annonce qu'il y aura des choses après qui vont arriver après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont être mauvaises et qu'on va détester. Et qu'est-ce qu'on doit faire à cette époque-là, comment on va devoir réagir face à ces choses-là. An Junada ibn Abi Umayya قال دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Donc il dit, le cheikh il rapporte ce hadith selon Junada ibn Abi Umayya, Il dit, nous sommes rentrés voir Ubadat ibn Samit, qui est un des Sahaba, alors qu'il était malade. Et ils ont dit, ils ont fait un dua pour lui en disant, Aslahak Allah, c'est-à-dire que Allah te guérisse et arrange ton état. Et ils ont demandé par la suite à ce Sahabi de leur mentionner un hadith. Junadat ibn Abi Umayya, donc ils sont rentrés. Ils ont demandé un hadith à Ubadat ibn Samit. Dis-nous un hadith par lequel Allah va te faire un bien et que tu as entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et il a pris notre serment d'allégeance. Et parmi les choses qu'il nous a demandé de respecter dans ce serment d'allégeance, c'est qu'il a pris notre serment qu'on devait l'écouter et l'obéir. Dans nos moments de quand on est en forme, quand on est à l'aise ou quand on est bien, et quand on a des choses qu'on n'aime pas également. Dans qu'est-ce qu'on aime et dans qu'est-ce qu'on n'aime pas. Dans la difficulté et dans la facilité. Et même si on va avoir, même si ceux qui sont au-dessus de nous vont se donner des privilèges sur nous, et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Excepté si vous voyez un coffre clair de la part au sujet duquel vous avez de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une preuve évidente et claire à son sujet. Donc, ça, c'est les paroles de Ubadat ibn Samit au sujet de la bay'a qu'ils ont pris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on voit qu'il y a la question de l'obéissance, il y a la question de l'écoute et de l'obéissance dans ce qu'on aime, dans ce qu'on n'aime pas, dans la facilité, dans la difficulté. Et même si on se prend des privilèges au-dessus de nous, et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Sauf si on voit un coffre clair et apparent, au sujet duquel il n'y a aucun doute, et au sujet duquel il y a des preuves claires venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un coffre comme quelqu'un s'imagine là, les dirigeants, ils ont pas jugé selon la loi d'Allah ou la charia d'Allah, donc automatiquement, ça c'est des kuffars, comme les takfiriyin et comme les khawarij à notre époque. Ils voient quelqu'un, ils disent, ah lui, il juge pas selon la charia dans son pays, donc automatiquement c'est un kafir. Et ça, bien entendu, c'est une mauvaise compréhension. C'est une compréhension qui est contraire à la compréhension des salafs, des ulama des salafs. Parce que, bien entendu, les ulama, ils ont tous expliqué que, le fait de juger par autre que la loi d'Allah, ça se divise en deux catégories. Il y a une catégorie qui est une forme de kufr qui est majeure, et une catégorie qui est une forme de kufr qui est mineure. Et la forme de catégorie qui est majeure, c'est lorsque quelqu'un place la loi faite par un être humain au-dessus de la loi d'Allah, ou qu'il la met à égalité avec la loi d'Allah, ou bien qu'il croit qu'il est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah, ou bien qu'il croit que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est dépassée puis qu'elle ne s'applique plus à l'époque actuelle. Ceux qui croient à ça, bien entendu, ça c'est des formes de kufr majeur. Si ces gens-là disent des paroles comme ça ou expriment des choses de ce genre, bien entendu, après qu'on ait établi la preuve contre eux, on ne pourra pas dire autre chose que ce sont des kuffars. Toutefois, si ce sont des gens qui jugent par autre que la loi d'Allah, et qui suivent des législations autres que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui savent que c'est contraire à l'islam et qui suivent leur passion dans ces choses-là, et qui savent que c'est un péché, que c'est haram, et qui ne les mettent pas à égalité avec la loi d'Allah, ni au-dessus, ni à égalité, et qui croient que c'est obligatoire d'appliquer la loi d'Allah, dans ce cas-là, on peut pas dire qu'ils sont kuffars. On peut pas dire dans ce cas-là qu'ils sont kuffars. On dit que ce sont des musulmans et qu'ils ont une foi faible, et que c'est une forme de kuffre qui est mineure. qui est en bas du niveau du kufr qui fait sortir de l'islam, c'est-à-dire kufrun duna kufr, comme l'ont expliqué les ulama des salafs, Abdullah ibn Abbas et beaucoup d'autres également parmi les ulama de l'islam à travers les siècles. Donc ça c'est pour clarifier la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a, hein, contrairement à celle des khawarij qui font le takfir pour des péchés. Hein, ils voient quelqu'un qui fait un péché, ils disent « Ah, ça c'est un kafir ». Et ils disent « Ah, il y a du riba dans le pays, ah, ça veut dire que c'est kufr ». Ils voient de l'alcool dans le pays, ah, ça c'est kufr ». Ils voient zina dans le pays, ils disent « Ah, ça c'est kufr ». Ça c'est de l'ignorance. Ça c'est la voie des khawarij. On n'a pas le droit de dire que un pays ou un dirigeant est kafir parce qu'il y a des péchés dans le pays. Ça c'est la voie des khawarij qui disent que celui qui fait des péchés est kafir. Hein? Donc Ahlus Sunnah wal Jama'a, on ne dit pas que quelqu'un ou qu'un pays ou qu'un dirigeant est kafir parce qu'il y a des péchés qui se produisent dans le pays. Hein? Bien entendu. Donc ça c'est contraire à la compréhension correcte du Coran et de la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a justement clarifié ces choses-là clairement, et les ulama parmi les sahaba et les tabi'in, ils ont réfuté les khawarij à ce sujet-là, et les ulama de l'islam à travers les siècles, ils ont clarifié que le musulman qui fait des grands péchés, tant qu'il reconnaît que ce péché-là c'est quelque chose qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, s'il meurt sur ce péché-là, il sera sous la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous sa volonté. Si Allah veut, il va lui pardonner par sa miséricorde, il va le faire rentrer au paradis. Et si Allah subhanahu wa ta'ala décide, il va le punir pour un certain nombre de temps que seul lui connaît, mais à la fin, il va sortir de l'enfer et il va rentrer au paradis. Parce qu'il est mort sur le tawhid, il n'a pas fait de shirk, hein, il n'a pas fait de kufr, il a fait des péchés, donc il ne va pas rester éternellement dans l'enfer comme les mushrikines et comme les kuffars. Ça c'est la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ceux qui disent que cette personne sera éternellement dans l'enfer, ce sont uniquement les sectes d'égarement comme les khawarij et les Mu'tazila qui ont dévié à ce sujet-là. Donc ça, c'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se basent là-dessus, puis qui disent « Ah, les pays musulmans, c'est pas des pays musulmans. Les pays de Kufr, c'est des pays musulmans. » Ils disent que la France est un pays musulman, puis que les pays musulmans, comme l'Algérie, le Maroc et les autres pays musulmans, ils disent ça, c'est des pays de Kufr. Donc c'est comme les ulama, ou même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes des khawarij, c'est qu'ils tuent les gens de l'islam, les musulmans, ils les tuent, puis ils ne font rien aux adorateurs d'idoles. Donc on voit que les khawarij, c'est exactement ça leur situation, hein. Ils n'ont de haine et d'animosité et ils ne font du tort qu'aux musulmans. Hein? Et les adorateurs d'idoles et les gens qui font le shirk et le kufr, hein, ouvertement et clairement, contre eux ils n'ont aucune haine, et ils font tout pour aller vivre dans leur pays et pour vivre dans leur pays. Et on voit même que la fitna des takfiriyin, en principe, en grande partie, elle part de chez les kuffars, soit en Angleterre, soit en France, soit en Amérique, hein, ou au Canada, ou dans les pays occidentaux. C'est là qu'on retrouve, hein, les grosses têtes des takfiriyin et des khawarij et des hizbiyin, comme les kutbiyin, les sururiya et les autres. Donc ça nous montre le danger de ces idées-là. Nasallallahu alayhi wa sallam. Après, le shaykh, il dit, « Wa an Abi Sa'idin al-Khudri, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما رقم الحديث في صحيح مسلم وعند مسلم أيضا من حديث عرفجة الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. صحيح، صحيح مسلم، باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Donc le cheikh il dit après que le sahabi رضي الله عنه Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit si on a fait ou si on a donné à deux khalifas un serment d'allégeance, tu es le deuxième d'entre eux. Donc, si on a donné la bay'a, le serment d'allégeance, à deux personnes, tu es la deuxième d'entre elles. Et ça, c'est bien entendu pour éviter la fitna. Ensuite, ça c'est rapporté par l'imam muslim, puis également par l'imam muslim, selon Arfaja, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, que si un homme vient, alors que vous êtes tous réunis autour d'un dirigeant, si quelqu'un vient pour diviser l'unité, et le pouvoir et l'unité qui vous réunit autour de ce dirigeant-là, et qui veut diviser votre groupe, alors tu es le. Alors tu es le. Donc, c'est-à-dire que le dirigeant, lorsqu'on est tous réunis autour de lui dans un pays musulman, si quelqu'un vient pour essayer de diviser les musulmans en essayant de prendre le pouvoir, et bien dans ce cas-là, il doit être combattu, cette personne-là. Si c'est une personne, il doit être tué. Si c'est un groupe de personnes, ils doivent être combattus, comme les ulama l'ont expliqué. Le dirigeant doit ordonner de les combattre. Parce qu'il vient pour diviser les musulmans alors qu'ils sont tous réunis autour d'un dirigeant. Ensuite, il dit wa fi riwaya, et dans une autre narration, il y aura après moi beaucoup de problèmes et de divisions et de fitan, de tribulations. Alors celui qui veut essayer de venir diviser la umma alors qu'ils sont réunis, qu'ils sont tous unis, alors frappez-le avec l'épée. Peu importe qui il est. Peu importe qui il est, que ce soit un savant, que ce soit un homme pieux, que ce soit, peu importe qui il est, s'il vient pour essayer de diviser les musulmans, alors qu'ils sont réunis, alors vous devez le combattre. Et vous devez l'exécuter celui-là. C'est-à-dire, il doit être pris et jugé et exécuté par celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire par le dirigeant. Ça c'est rapporté également par Sahih Muslim, par l'imam Muslim dans son Sahih, dans le chapitre celui qui divise les musulmans lorsqu'ils sont réunis. Et il y a un autre hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui enlève sa main de l'obéissance, c'est-à-dire il a donné son allégeance à un dirigeant musulman, puis il retire sa main de son allégeance, il refuse de lui donner l'obéissance. Lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, il n'aura aucune excuse pour lui. Il n'aura aucune excuse en sa faveur. Et celui qui meurt et qui n'a pas de serment d'allégeance, il n'a pas de serment d'allégeance dans son cou, c'est-à-dire il n'a pas donné d'allégeance à aucun dirigeant, alors celui-là, s'il meurt, il meurt dans un état comme l'état de la jahiliya. Ça c'est rapporté également par l'imam muslim. Tout ça c'est des hadiths clairs qui nous montrent l'obligation pour les musulmans de se réunir autour du dirigeant qu'ils ont et de lui obéir et de l'écouter, même si c'est un homme qui est injuste ou qui fait des péchés. Le cheikh ensuite il dit Faslun wa min hadhihi an-nusus yatabayyanu min anna qawl Azzam hadha qawlun batil a'ni qawlahu أيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة لفاسق وذلك أن هذه النصوص تدل على استئثار على استئثار والاستئثار يدل على ضعف يدل على ضعف العدالة وما ومع ذلك فإن الشارع صلى الله عليه وسلم يوصي بالصبر وينهى عن الخروج بل والمنازعة وتدل النصوص أن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فإنه إن مات على ذلك مات ميتة جاهلية وتدل النصوص أن من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة لقي الله لا حجة له وتدل النصوص أن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه والرقبة حبل مستطيل فيه فلكات فيه فلكات توضع فيها رقاب الغنم فيجمعها فعقيدة الإسلام بمنزلة الرقبة للمسلمين إذ أنها تجمعهم جميعا في هذه العقيدة كما تجمع الغنم في الرقبة فمن خلع طاعة الإمام فقد خرج من جماعة المسلمين. Donc le cheikh il dit que tous ces textes là qu'on a mentionnés sont des preuves qui montrent clairement que la parole d'Abdullah Azzam est une parole fausse, totalement erronée, incorrecte. Hein, quand il dit qu'il est devenu de plus en plus convaincu, plus qu'à aucune autre époque auparavant, c'est-à-dire qu'il est encore plus convaincu maintenant qu'auparavant, de l'accord des fuqaha, des savants qui sont de l'avant, en avant de la Ummah, soi-disant. Hein? Et il dit que ces savants-là, ils sont d'accord qu'on ne peut pas donner une bay'a, ou qu'une bay'a ne peut pas être valable pour un fasiq. Et yani, bien entendu, le cheikh a dit tous les textes du Coran et de la Sunna qu'on a mentionnés dans le cours passé et dans le cours maintenant, aujourd'hui, et sont des preuves qu'il va y avoir des dirigeants qui vont se donner des privilèges. Et le fait que certains se donnent des privilèges dans les affaires de la dunya, ça montre la faiblesse de la justice. Hein, c'est comme par exemple dans certains pays musulmans, où des dirigeants par exemple ont des palais et beaucoup d'argent. Et donc, certains par exemple, ils vont utiliser le fait que certains de ces dirigeants-là ont des palais et de l'argent et ils vont regarder par exemple la population qui est pauvre et ils vont dire regardez ces dirigeants comment ils vivent avec de l'argent et ils ont des richesses tandis que la population est pauvre et ils vont comme essayer d'utiliser ça pour dire regardez ça c'est de l'injustice, ces dirigeants-là sont injustes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il va y avoir ce genre de choses-là. Bien entendu, c'est de l'injustice. Bien entendu, Allah n'aime pas l'injustice. Mais Allah va les juger au jugement dernier pour ça. Nous, on n'a pas le droit de désobéir à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne ces dirigeants-là. Allah nous a ordonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les obéir et de les écouter. Et de ne pas leur disputer l'autorité et le pouvoir, même s'ils sont injustes. Sauf qu'on ne doit pas les obéir s'ils nous ordonnent de faire une chose qui est haram ou un péché. Dans ce péché-là, on n'a pas le droit de les écouter, on n'a pas le droit de les obéir. Mais dans le reste, on est obligé de les obéir. D'accord ? Donc ça, c'est pour faire comprendre que ça, c'est notre position à nous et c'est l'attitude du musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne va pas commencer à dire, par exemple, ah, les généraux, ah, les dirigeants, ah, les dictateurs, ah, les ci, ah, les ça. Hein? Ceux qui ont surtout les gens qui ont étudié dans les universités occidentales et qui ont un discours un petit peu politique hein, parmi les islamistes et qui veulent essayer des fois, quand il parle, quand il s'adresse aux kuffars, d'utiliser un discours qui va faire plaisir aux kuffars en parlant dans ces termes-là. Et bien entendu, ça c'est contraire à notre religion et contraire à l'islam. Donc, nous on dit ces choses-là ici, c'est pas pour faire plaisir aux dirigeants, c'est pas pour faire plaisir aux kuffars. On dit ces choses-là, c'est parce qu'on veut faire plaisir à notre Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala, et on veut obéir à son messager qui nous a ordonné de respecter ces choses-là. C'est pas comme les takfiriyins prétendent ou disent, ah vous, les salafis, vous êtes des agents ou vous êtes des gens qui travaillent pour les dirigeants ou vous êtes des esclaves des dirigeants. Non. On est en train de dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre et nous a ordonné de faire. Et on n'est pas en train de dire ça pour faire plaisir à personne. On est uniquement en train de dire ça pour faire plaisir à notre Créateur et de suivre l'ordre, les ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait pas enseigné ça, il nous avait pas interdit de faire ça, ce serait autre chose. Mais il nous a ordonné de respecter ces choses-là et d'obéir aux dirigeants injustes, hein, même s'ils font de l'injustice. Et dans un hadith comme on a lu là, au cours passé, même s'ils te frappent ton dos, même s'ils prennent tes biens, hein, on doit les obéir et les écouter, hein, dans le bien. Donc, c'est pour ça qu'on respecte ces choses-là. Et on va pas suivre Karl Marx ou on va pas suivre Che Guevara, et on va pas suivre Fidel Castro, et on va pas suivre les démocrates, que ce soit George Washington ou bien je sais pas qui d'autre encore, ou les gens qui ont fait la Révolution française. C'est pas eux notre modèle, c'est pas eux nos guides, c'est pas eux nos exemples à suivre dans la justice et dans la voie qu'on doit suivre. Nos modèles à suivre sont l'exemple du Coran et l'exemple de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des salaf salih, hein. Et ceux parmi les takfiriyens qui essaient de prendre les exemples de certains parmi des salaf qui auraient commis des erreurs dans ces questions-là et qui auraient essayé de prendre des armes contre certaines personnes ou contre certains dirigeants de la Ummah, ils n'ont pas de preuves dans ça, parce que la référence c'est le Coran et la Sunna avant tout. Et si on retrouve parmi certains d'entre les salafs certains exemples de contradictions, et bien dans ce cas-là on retourne au Coran et à la Sunna et on prend qu'est-ce qui est en accord, hein. Et donc c'est pour ça que les ulama ont expliqué qu'il y a eu une ijma, un consensus des salafs sur cette question-là par la suite, parmi les salafs au sujet de la question, parce que les textes du Coran et de la Sunna sont clairs à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit donc que parmi les textes qu'on a mentionnés, on a vu qu'il y allait avoir certains dirigeants qui allaient essayer de se faire des privilèges, hein, et donc ça montre qu'il y aura une faiblesse dans la question de la justice, des déficiences dans la justice. Et malgré ça, le législateur, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'être endurants et de patienter. Il nous a interdit de nous rebeller et de nous révolter, ou même de disputer le pouvoir ou l'autorité à celui qui la détient. Et tout ça, ça indique que, il a dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui essayait de disputer et de sortir contre les dirigeants, et sortir contre l'autorité, alors celui-là, il s'est séparé de la jama'a, et s'il meurt dans cet état-là, il meurt dans un état comme une mort à l'époque de la jahiliya. Et donc, ça c'est une réponse pour les ikhwan et pour les autres ahzab politiques, les autres groupes politiques, que ce soit le Hamas, le FIS, et les autres groupes, les autres jama'at islamistes, qui utilisent les méthodes démocratiques ou autres, hein. Ils rentrent dans la démocratie. Après, quand on leur dit non, c'est vous êtes banni, vous êtes interdit, hein, là ils sont frustrés. Alors là ils prennent les armes, Et là, ils essaient de se venger. Et là, ça crée de la fitna et ça fait couler le sang des musulmans. C'est ça qui est arrivé en Égypte, c'est ce qui est arrivé en Syrie, c'est ce qui est arrivé en Algérie, c'est ce qui est arrivé dans d'autres pays également. Donc, il faut que ces gens-là, parmi les gens de Hizbiyya, se réveillent et commencent à réfléchir que cette voie-là, c'est une voie d'égarement. Et maintenant, ils pensent qu'ils sont en train d'utiliser une nouvelle voie, maintenant, une nouvelle technique. C'est-à-dire, ils disent maintenant qu'ils sont laïcs et qu'ils sont en accord avec la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme et tous les mensonges, ils les acceptent au nom de l'islam. Et maintenant, ils sont même en train de nier des choses qui sont claires dans le Coran et dans la Sunna pour essayer de se montrer en Occident comme s'ils sont les défenseurs des droits de l'homme et de l'égalité et yani de la liberté des kuffars. Et yani, Allah sait qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer, et Allah sait qu'ils sont en train d'essayer de planifier des ruses contre Ahl Sunnah wal Jama'ah, et bien entendu ils sont voués à l'échec, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait toujours retomber les ruses des gens qui essaient de comploter contre les croyants et contre les gens qui sont sur la sunna, ça retombe toujours contre eux. Donc alhamdulillah. Et le cheikh il dit ensuite que parmi les textes également, il y en a qui prouvent que ces textes-là prouvent que celui qui se sépare de la jama'a et qui s'est séparé de l'obéissance, il n'aura aucune preuve en sa faveur au jour de la résurrection. Et également les textes de la révélation qu'on a mentionné nous montrent que celui qui se sépare de la jama'a, c'est comme si il a enlevé le collier de l'islam de son cou. Et quand on parle de la jama'a, on remarque en passant que tous les mentions dans ces hadiths-là, chaque fois qu'il est mentionné le terme jama'a, c'est toujours au singulier, c'est-à-dire le terme jama'a est toujours au singulier. Pourquoi? Parce que la jama'a des musulmans, c'est une seule et unique jama'a. Il n'y a pas plusieurs jama'at, il n'y a qu'une seule jama'a. Et c'est bien entendu de suivre la vérité, le Coran et la Sunna et l'ijma' des salafs. Et ça, c'est la jama'a. Puis ensuite, si des musulmans se sont réunis autour d'un dirigeant, bien là, ils doivent lui obéir et respecter l'entente qu'ils lui ont donnée. Peu importe dans quelle partie du monde ils vivent. Si par exemple des musulmans dans une partie du monde ont donné une baie à un dirigeant, et que dans une autre partie du monde des musulmans ont donné une baie à un autre dirigeant, chacun doit respecter la baie qu'il a donnée à son dirigeant, à l'endroit où il est, à l'endroit où ce dirigeant-là a son autorité. Et il a les responsabilités du khalifa et du dirigeant des musulmans. Selon ce qu'il est capable d'appliquer, et s'il n'applique pas, eh bien il doit, inshallah, essayer de faire son possible pour le faire. Et on doit, bien entendu, faire notre travail, si on a du ilm, d'essayer d'éduquer les musulmans et de leur faire comprendre leur religion comme il faut. Et si on n'a pas d'ilm, d'étudier et d'apprendre notre religion, et puis d'appeler les gens au bien autour de nous pour essayer de faire avancer le bien dans la société. Donc le cheikh il explique par la suite que al-riqba, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, al-riqba c'est comme une corde qui est attaché et au bout duquel il y a un collier qu'on met dans le cou des moutons. Et ça sert pour éviter que les moutons s'éloignent et se perdent ou se fassent manger justement par les loups ou d'autres. Donc c'est la même chose par rapport aux musulmans lorsqu'ils font partie de la jama'a et qu'ils ont une baie avec un dirigeant, c'est comme s'ils sont protégés, ils sont tous réunis autour de la vérité. Et donc Yani, s'ils quittent cette jama'a et s'ils retirent leur obéissance pour ce dirigeant-là, alors dans ce cas-là, c'est comme si ils ont quitté la jama'a des musulmans. Et donc, ça, c'est quelque chose de très grave. Et il mentionne ensuite le hadith de حذيفة بن اليمان قال في حديث حذيفة رضي الله عنه قال فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Ça dit quoi? Ça dit, et Hudhayfa, radiyallahu anhu, il a dit dans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dans le hadith, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je fais si une telle situation arrive, c'est-à-dire s'il y a des dirigeants injustes, yani, et qu'il y a des dirigeants qui appellent aux portes de l'enfer, ainsi de suite, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu dois rester avec le groupe des musulmans et avec le dirigeant. Tu restes avec le dirigeant. Même si ils sont des injustes et qu'ils font des péchés et qu'ils appellent aux portes de l'enfer. Non, bismillah. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter à ce hadith-là. Mais juste pour le traduire, en fait, c'est que le prophète s'en a dit, comme j'avais dit, que Hudhayfa a demandé, qu'est-ce qu'on fait si on arrive dans une telle situation? Il a dit, tu dois rester avec les musulmans et avec leurs dirigeants. Et il a demandé par la suite, et s'il n'y a pas de dirigeants, et qu'il n'y a pas de jama'a, et qu'il n'y a pas de dirigeants, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, dans ce cas-là, tu te sépares et tu t'écartes de toutes les sectes. Yani, même si tu dois mordre le tronc d'un arbre, hein, reste comme ça jusqu'à ce que la mort vienne sur toi. Et ça, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On va l'expliquer parce que dans la parole qui suit, le cheikh il mentionne les paroles des ulama pour expliquer ce hadith-là. Donc, on va arrêter ici maintenant. Puis la semaine prochaine, demain, Inch'Allah, on va continuer avec l'explication de ce hadith-là dans les paroles de Ibn Hajar, Al-Asqalani et Al-Baydawi et d'autres ulama, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter donc pour aujourd'hui ici et on continuera demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.